comme si ça joue au chat et à la souris en fait. L'autre il essaie de. Moi, quand je joue par rapport à toi, ce que tu joues là dans l'instant, mais le temps que ça arrive à mes oreilles, je sais pas comment te dire. Tu as bien réglé le logiciel, la latence. Mais moi, c'est bien dans le rythme. Ou pas? Hein? Je suis dans le rythme ou pas? Du coup, on fait une ambiance de couleur, une ambiance. Des fois, quand ça fait. C'est pas fantaisie, c'est qu'il y a un bruit. masse de monstres, de lugubres. Tu as vu, c'est. Faut qu'on se fasse des tripes un peu. Tu as vu des. Genre, c'est Godzilla qui arrive comme ça. Dans mes habitudes. Ça tue pas ça.